J'enroule un cheveu propre pour Jean Moulin. Exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Salope. On a l'ennemi, la haine et les revêts dans nos mains. Chin à la tienne. Voyez tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Mon poussin, j'enroule un cheveu propre pour Jean Moulin. Je suis un gentil bourreau, quand je torture, je suis tellement serein. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans levain. Voyez tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Je regarde pas la télé, j'étudie l'ennemi. L'ennemi est joli, l'ennemi est poli. Mon ami, on est ami et maudit. L'ennemi est solide. Donc j'irai pas voter, mais j'irai quand même derrière le rideau pour faire semblant qu'il commence à dire que c'est très bien mon enfant. Et enfin j'aurai mon encasse pour leur ironner quand je sortirai les mains vides. Des déficits et des fesses et des pertes et des pères en détresse endettés par leur fils transsexuel et des gays qui dégueulent leurs dégaines et des guns et des guerres et des graines. Tout ce qu'il nous faut pour faire l'amour toute la nuit jusqu'à la matinée. Voyage tout ce qu'il nous faut pour qu'on reste amis jusqu'à la prochaine matinée. Halidée, voir les cornes du démon s'agiter. Mon cœur une cavité, ma tête habitée, mon cœur scintille, les étoiles sont alignées. Mon poussin, j'enroule un cheveu propre pour Jean Moulin. Exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Salope. On a l'ennemi, la haine et les revêts dans nos mains. Chin à la tienne. Voyage tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Mon poussin, j'enroule un cheveu propre pour Jean Moulin. Je suis un gentil bourreau, quand je torture, je suis tellement serein. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans levain. Voyez à tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Fume. On se laisse plus faire par ceux qui ont le bâton. Mec du bitume qui fait des sons de maçon. J'ai un sombrero, je suis le sombre garçon. Je porte que du vrai, pas de contrefaçon. De toute façon, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Voilà. Arrête café au TE, c'est moi le patron. Tous ces nouveaux rappeurs s'appellent, je suis leur daron. Je peux pas relever tout le nombre d'affronts. Je vais te sodomiser sans te faire coup du savon. Je passe que par derrière, même si ça ne sent pas bon. Pendant des heures, tu boufferas mes macarons. Vas-y, suce bien si tu veux prendre du galon. J'encule les reptiliens et tous les pharaons. J'ai un long couteau et un tout petit canon. Il presque à prier Dieu et lui demander pardon. Quand je parle d'unité, sortez les napperons. Je suis comme Bruce Lee dans la fureur du dragon. John Travolta dans Opération Espadon. J'ai les yeux bridés comme si je vivais au Japon. Je consomme du pilon, je ne prends pas de cacheton. Rouler un joint d'herbe avec un fil carton. Ça. Mon poussin, j'enroule un cheveu propre pour Jean Moulin. Exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Salope. On a l'ennemi, la haine et les revêts dans nos mains. Chin à la tienne. Voyez tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Mon poussin, j'enroule un cheveu propre pour Jean Moulin. Je suis un gentil bourreau, quand je torture, je suis tellement serein. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans levain. Voyez tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Jean Coba. Sangoban, Fantomas. Mon bas les couches dédicaces, Jean Coba. Jokwan, Stokor Balézard. Jean Coba. Rismo, Yuzu, Pixar. Mon poussin, j'enroule un, je me prends pour Jean Moulin. Thank you.